Bonsoir, bienvenue sur CKUT 90.3 FM en profondeur avec vous. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un lancement qui aura lieu vendredi 27 décembre, un lancement contre la déforestation pour les droits autochtones, dont nous allons parler tout de suite avec Shani Piap. Bonjour Shani Piap. Oui, Christian, tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, on parlait d'un lancement. Qu'est-ce qu'on va lancer exactement? Bien, c'est ça. C'est que moi, tu sais qu'on est toujours au territoire 59 à Dolbeau-Mistassini. Ça, c'est au Saguenay. Puis, nous avons allumé un feu sacré parce que nous voulons protéger la forêt. Les compagnies forestières sont toujours là en train de couper les arbres. Et aussi, on les a filmés un peu, là. Ils sortaient du bois vert. Ils nous disaient qu'ils sortaient du bois vert. Je vais me reprendre. Ils disaient qu'ils sortaient du bois brûlé, mais nous, on les a vus sortir du bois vert, au travers du bois brûlé. Et c'est que nous, on est là pour protéger la forêt. On trouve que les arbres sont trop coupés et puis les arbres, c'est précieux pour la vie, pour les animaux, pour la végétation, pour les herbes qu'on prend pour se soigner, là. Les petits fruits aussi, comme les bleuets. Tu sais, l'été sont bonnes, les bleuets. Autant les animaux, ils aiment ça, comme les ours. Donc, c'est précieux, les forêts. Pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, c'est quoi le lien entre les luttes contre les coupes forestières et les droits autochtones? Comment tu nous l'expliquerais? Bien, c'est que j'ai souvent dit ça parce que moi, j'ai souvent travaillé avec des environnementalistes ou des écologistes pensant que peut-être ils pourraient comprendre le fait qu'eux, ils veulent protéger les forêts, l'environnement. Mais étant donné que nous, on a comme des droits ancestraux sur le territoire, c'est quand même quelque chose qui est pesant, là. C'est quelque chose qui est un droit qui est là. Puis les chefs, eux autres, on dirait que ils sont pas cons. Ils sont conscients sûrement, mais ils aiment tellement l'argent, ils aiment tellement le pouvoir, ils aiment tellement les voyages qu'ils vont prendre l'argent que les gouvernements leur donnent. Excuse, ma voix. Puis, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord parce que c'est un droit individuel que j'ai comme étant autochtone pour pratiquer mes droits ancestraux sur le territoire, autant les autres. Et on a deux gardiens de feu là-bas qui gardent constamment le feu sacré. Ça, le feu sacré, c'est précieux parce que c'est quelque chose qui fait qu'on peut se connecter avec la forêt. Ça nous aide à se rappeler tout le temps que la vie, comme un feu, le feu sacré est là, dans de nous autant, là. Mais le feu sacré, je vais vous dire, c'est la prophétie de cette feu, là. Vous avez juste à faire des recherches sur Internet, on les voit, là, les écritures que les autochtones, les sages autochtones ont fait à un moment donné, là, sur l'écriture de la prophétie des sept feux. Puis on les retrouve sur Internet. Puis nous, on a allumé le feu qui devient le septième feu sacré parce que ça fait sept générations. OK? Le dernier chef, là, qui a été très... que c'était la personne qui s'est battue, là, pour les droits autochtones, c'est... comment on appelle ça déjà? Aide-moi un peu, c'était une boule, hein? C'est ça son nom? Oui, c'était une boule, entre autres. C'était une boule. Mm-hmm. Puis, mais c'était le dernier des grands chefs qui s'est battu jusqu'à ce qu'il soit emprisonné et qu'il est mort, là. Il a perdu. Puis les Autochtones, en fait, qui étaient là, ils l'ont trahi, là. Encore là, c'était des Autochtones de l'Amérique, des États-Unis, au fond, qui ont trahi Sitting Bull. Ils sont devenus des militaires. Puis à ce moment-là, ils ont trahi Sitting Bull. Puis c'est devenu que lui, depuis la date de ce temps-là, là, ça fait 7 générations. Donc, à toutes les générations, il y a un feu sacré qui est allumé. Puis nous, on est comme la 7e génération depuis ce temps-là. Ben, il y a toujours eu des feux sacrés, mais ce qui est important, c'est que le feu sacré, le 7e feu là, de la prophétie, ben, il peut devenir le 8e feu. Le 8e feu, ben, c'est l'ensemble des gens de tout le monde, autant les blancs, les noirs, les autochtones, les rouges, les jaunes, là, ben, les 4 races. En fin de compte, ils peuvent s'unir pour la Terre, tu sais, parce qu'il faut protéger notre maman Terre, là. La maman Terre, au fond, n'a pas besoin de nous, hein. Il pourrait se balancer, là, puis se ficher de nous, au fond, là, mais la maman Terre est contente quand nous, on vit sur Terre, puis qu'on prend soin des animaux, qu'on prend soin des plantes, qu'on prend soin de nos rivières, qu'on prend soin de nos forêts. Et c'est comme une femme qui est toujours bien peignée, mettons, avec ses longs cheveux, là. Puis parce que la chevelure, c'est important pour une femme, donc la femme, il prend soin de ses cheveux. Donc c'est pareil pour maman Terre. Il y a besoin que nous, on soit sensibles à ce qu'elle nous procure, les petits fruits, les fruits qu'on mange, les animaux qui sont là pour nous, les arbres aussi, tu sais, sont là pour nous protéger. Les arbres sont tellement coupés ces temps-ci, partout, qu'il y a des déboulements partout. La terre est pas assez solide, là. Les arbres, ils boivent l'eau. Ils boivent l'eau, donc s'ils boivent pas l'eau, ben ils sèchent. La racine sèche. Donc, après ça, les arbres, ils meurent aussi à cause des déboulements. Ou il y a trop d'eau des fois parce qu'à cause de l'environnement, et si on coupe trop d'arbres, l'environnement est touché, là. Tout est débalancé. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Nous, on aimerait ça que les gens, au fond, soient sensibles aux forêts. Et les forêts sont là pour notre vie à nous, là, les Autochtones autant que les autres. Donc, nous, on aime ça partager, comme j'ai dit, mais il faut quand même que le partage soit honorable, là, soit honoré par les autres. Des fois, je me dis, tiens, nous, on a reçu les gens, puis on les a invités, au fond, mais c'est sûr qu'ils se sont invités aussi, mais ce serait plaisant que les gens prennent soin de ce que nous avons. Nous avons la terre pour vivre, pour avoir un bel environnement de vie, pour avoir, tu sais, même pour les générations futures, là. C'est pour ça le but aussi du feu sacré, c'est pour qu'on se souvienne des générations futures. Le feu sacré, c'est pour ça aussi, comme dans le temps, là, ce que les Autochtones ont fait, ils se sont beaucoup servis du feu sacré, parce que le feu sacré, au fond, ça représente la vie en nous, la vie autour de nous, la vie partout, là. La terre est vivante, tu sais, la terre est vivante. Mais on dirait on s'en rend pas compte des fois, ou les gens s'en rendent pas compte. C'est ça, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on veut faire l'événement le 27 décembre. Pour sensibiliser les gens à notre cause, à nous, qui nous battons depuis des centaines d'années, on va dire, là, pour protéger nos forêts, mais on se fait tout le temps reculer, toujours dans le nord, et jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Il ne restera plus rien à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu se réveiller quand il ne restera plus rien? C'est ça que je me dis des fois. Et la campagne s'appelle comment? Ça s'appelle faut que tu m'aides parce que là j'ai oublié le titre. Je sais que c'est Toi Tostoué, parce que je me suis dit je vais parler en québécoise là. Toi Tostoué, j'ai le droit de vivre sur ma terre. Ouais. Ouais. Alors les gens peuvent chercher ça. C'est un gros camion qui est arrivé, puis Franklin est venu avec nous, tu sais, notre ami Franklin là, le gentil Franklin. Amplifier là. Films. Oui, qui fait des films pour les Autochtones. Je pense qu'il en a fait pour les Atikamekw aussi. Mm-hmm. Puis ouais. Il est venu cet été avec nous, puis a filmé. Il a fait un beau film, là. Puis on a filmé le gardien de feu qui est là constamment, tous les jours, depuis presque un an et demi, qui est là, là. Qui sont là, au fond, ils étaient deux tous les deux au début, là. Puis maintenant, il est toujours là, le frère, parce que c'est des jumeaux, hein. C'est des jumeaux. Puis ils travaillent toujours ensemble, même si il est pas tout à fait dans le territoire pour l'instant, là. Mais il va revenir à un moment donné quand il aura réglé ses affaires. Puis moi, je suis fière de Hakim. Tiens, vous allez pouvoir voir Hakim. Moi, j'invite le monde à regarder, à venir le 27, venir écouter le Zoom avec nous, puis écouter visionner le film. Et vous allez trouver intéressant le gardien de feu. Il est tellement courageux, il est tellement fort. En tout cas, les deux, ils étaient forts, là. Mentalement, physiquement, c'est des travailleurs. Il coupait du bois, c'est sûr qu'il faut. Mais des fois il allait voler le bois qui était coupé dans le bois, là, parce que la compagnie minière, il en coupe. Il faut bien qu'il se chauffe. Des fois, il se chauffait avec comment on appelle ça, donc pas du gaz, mais l'autre, là. En tout cas, ça c'est comme autour du gaz, là. Pas du pétrole. En tout cas, il y a un autre mot, là. Je peux pas te le dire, là. Hein? Est-ce que c'est du propane? Oui, du propane. Il se chauffait avec du propane, des fois, pour économiser quand même le bois, là, tu sais. Mm-hmm. Il coupe ça le soir. Il coupait ça le jour, c'est sûr, le jour pour se chauffer le soir, excuse. Puis là, ben. C'est pour le feu sacré, tu comprends? Parce que le bois au Saguenay, il est fait avec le feu sacré présentement, là. Il est allumé depuis, tu vois, déjà comme un an et demi, là. Peut-être plus, il faudrait que je regarde ça comme il faut. Puis les gens peuvent aller sur la page Facebook qui s'appelle Gardienne et gardien du feu sacré, justement, pour avoir oui. plus de détails. Oui. Ils peuvent aller aussi sur la page Amplifier Film, qui va éventuellement aussi publier le vidéo, dont on mm-hmm. va pouvoir voir au lancement, mais aussi après. Et il y aura oui. aussi une entrevue audio avec toi, qui a été faite par des gens au Comité pour les droits humains en Amérique latine. Oui. Ah, mais eux autres, là, sont tellement gentils, là. Ils m'ont proposé peut-être qu'ils peuvent... aider beaucoup, fait que je les ai invités pour qu'ils viennent assister le 27 décembre. Et parce que, tu vois, les prophéties, là, avant, il n'y avait pas de frontière entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Les Autochtones, ils se côtoyaient. On a même retrouvé des flûtes de l'Amérique du Sud à Vancouver. Donc, ils se côtoyaient, les Autochtones, là. Puis l'unité des ils appellent ça des fois l'aigle et le condor, là. Excuse ma gorge est elle me fait des siennes. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est moi je crois à la prophétie, puis je crois que les humains peuvent à un moment donné, voir que l'unité des peuples est essentielle pour notre vie sur Terre, là, tu sais. J'ai confiance que ça peut régler bien des choses, parce qu'il y a tellement de souffrances dans le monde, des guerres, des... Tu sais, les gens, ils se comprennent pas entre eux autres. On a chacun nos batailles, là. Mais il est grand temps que la violence, au fond, soit contrôlée mieux, puis que les gens s'équilibrent. Moi je crois que le feu sacré peut nous équilibrer, là. Puis c'est dans le but, au fond, du feu sacré qui a été allumé au territoire. C'est vraiment pour sauver nos forêts, nos animaux, Et nos animaux, ils souffrent autant, là. Nos animaux... Moi, présentement je m'occupe des petits renards parce que je les ai vus tout petits, jouer comme des petits chiens. Puis, je suis tombée en amour avec les petits renards. Fait que j'essaie d'en prendre soin. Puis, tu sais, cet été, là, ils sont venus juste à côté de moi, là, puis ils me suivaient comme... On a fait le tour, mettons, de où est-ce qu'on marche, là. Ils viennent, ils nous suivent comme des petits chiens. Mmh. Tu sais, les animaux, ils sont intelligents. Ils sont capables de réfléchir. Ils sont capables de réfléchir. Nous, on pense, oh, c'est des animaux, ils comprennent rien. Ben non, autant les enfants. Hein. Les enfants sont tout petits, là, puis ils réfléchissent, ils savent. Ils comprennent beaucoup qu'est-ce qu'on pense. Fait que c'est ça, là, le but du 27 décembre. J'invite les gens, pour venir visionner la vidéo. Vous allez voir comment c'est massacré là-bas, là. C'est détruit, les forêts, la forêt est détruite. Puis ça, c'est à cause du traité Petapan. Le traité Petapan, c'est trois chefs, Nautishkwan, et c'est Pit, puis Mashteuyash. Mashteuyash, c'est Pointe Bleue. C'est lui, le chef, là, qui... Puis et c'est Pit, au fond, qui sont les plus forts des trois pour faire des ententes économiques avec le gouvernement. Puis si ils font ça, s'ils signent l'entente, bien, ça veut dire que nous, on perd notre droit d'être gardien ou gardienne de feu, de gardien de territoire ou du feu. Au fond, on détruit les droits que nous avons acquis depuis le temps où ce qu'on nous a enlevé nos terres. Mais c'est juste ça qu'il nous reste au fond, tu sais, nos droits ancestraux pour pouvoir protéger ce qui reste de forêt. Puis moi, ça m'attriste beaucoup de penser que ces chefs-là ils se tiennent pas debout, tu sais, pour protéger la vie, de voir plus loin, de voir... Comme un aigle là, qui voit loin, loin, loin, loin. Ils ne sont pas capables de faire ça. Ils veulent tellement vivre dans le moment présent. Pour eux, ils sont égoïstes. Ils ne voient pas loin, loin, loin, loin. Ils ne voient pas plus tard. Ils ne voient pas leurs petits-petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont souffrir. Même s'ils louent l'eau potable un jour, il peut manquer l'eau potable un jour. Oui, ben c'est ça. Il faut s'unir pour tout protéger ça. On va faire un beau collier ensemble. De toutes les couleurs. Wow. Oui. Donc, il va y avoir comme une alliance. Ben, il y a une alliance qui se fait déjà. Ouais. Mais dans le fond, tu veux qu'elle s'agrandisse. Ben oui, mais je veux une belle alliance. Une belle alliance qui va faire que on va penser pour l'avenir de tout le monde, tu sais. Mm-hmm. Oui. Parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui nous aident. Je les remercie énormément. Je te remercie. Il y a des gens qui nous aident comme Franklin, Fernanda et d'autres, là. Mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit, qu'on fasse boule de neige. Hein? Là, c'est l'hiver, là. Il faut qu'on fasse boule de neige. Il faut, mais il faut pas au printemps dégeler, tu comprends? Ouais, tout à fait. Faut pas dégeler là, la boule. Faut que la lutte continue. Ben oui. Et que le vivant continue. Oui, oui, oui. Et nous dedans. Et nous dedans, tout le monde. Mm-hmm. On va faire un beau collier. On devrait faire un beau collier. Mm-hmm. Un beau collier de toutes les couleurs, tu sais. Pourquoi pas? Ouais. Mm-hmm. Ouais. Faut protéger qu'est-ce qu'on a. Comme tu dis, là, ce qu'on a de vivant, on ne peut pas toujours pas se souvenir de ce qu'on a reçu. Hein. C'est gratuit, la vie là, qu'on a reçue. Oui, c'est pour ça qu'il faut la défendre, la préserver, faire en sorte que ça continue. Oui, il faut lutter, il faut jamais abandonner. Il faut prévoir, il faut... Aujourd'hui, je regarde ça, les gens là, à Noël, les gens, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il n'y a pas assez de nourriture. Puis moi, ça fait longtemps que je pense qu'on devrait tous s'acheter un beau grand terre là, pour faire nos légumes. Ça fait longtemps que je pense à ça. Mais les gens, ils bougent pas pour ça. Là. Mais c'est peut-être à cause des règlements des gouvernements qu'on peut pas le faire. Je sais pas trop. Mais on a juste à s'organiser au fond, tu sais. Tout à fait. Ouais. Alors, on invite les gens au lancement. Oui. Le 27 décembre à 19h. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur la page Facebook de Gardiennes et Gardiens du Feu Sacré. Puis, ou si vous pouvez chercher la campagne sur Google, toi, Tastoué, c'est mon droit de vivre sur ma terre. Oui. Puis, chercher ton nom aussi sur Google ou peu importe le site de recherche sur lequel ils cherchent. Ils vont trouver beaucoup, beaucoup de choses. Ah ben oui, mettons, si vous faites Chanipiap et les droits ancestraux, vous allez trouver des choses. Si vous faites Chanipiap et le traité Pétapen, vous allez trouver des choses. On a quand même fait beaucoup de vidéos là, pour expliquer ce qu'on vit, nous, les Innus, dans le territoire. Autant les Atikamekw que les Algonquins, au fond. Là. On se bat pour les mêmes... Pour le même combat, au fond, tu sais, on veut juste que... Hey, des camions, là, je sais pas, c'est des tonnes et des tonnes d'arbres qui coupent, qui promènent ça, même la nuit, là, ils travaillent même la nuit, ils se dépêchent à tout arracher dans la forêt. Mm-hmm. Il faut que le monde le sache, il faut que le monde... Il faut que le monde l'entende, il faut que le monde le voit aussi là, sur la vidéo. C'est pour ça que je remercie de tout mon cœur Franklin d'être venu filmer le territoire. Franklin Lopez, Franklin Lopez, Amplifier Film. Oui, oui, c'est vraiment gentil. Ils sont venus là-bas avec sa femme et son enfant, là. Puis on a passé quelques temps là-bas en forêt avec eux autres. Puis, on a eu du fun. Puis, ce serait plaisant que les gens, à un moment donné, ceux qui sont capables de venir nous voir, là, tu sais, qu'ils viennent, mais il faut que le monde s'organise, c'est sûr. Parce que nous, on ne peut pas organiser le monde. On n'est pas équipés, mettons, de toutes sortes de choses. On est complètement dans la forêt, là. Dans un contexte d'alliance dont on parle et d'unité, qu'est-ce que les Allochtones, d'après toi, peuvent faire de mieux pour aider les luttes autochtones, les droits autochtones? Bien, ceux qui sont vraiment intéressés de nous aider, il faudrait qu'ils nous demandent qu'est-ce que vous voulez vraiment, tu sais? Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous qu'on vous aide? Parce que, c'est tellement dur d'aller là-bas. Juste pour aller là-bas, ça coûte à peu près, aller-retour, à peu près un bon 250 $. C'est pour ça que GoFundMe, ben, on a besoin. On a besoin de ces montants d'argent. Moi, j'ai beaucoup donné, mais aujourd'hui, ben, je peux plus en donner. Mais j'ai beaucoup donné. Tu sais, j'ai pas calculé comment j'ai donné parce que c'est important pour moi de faire qu'est-ce qu'on fait là. Bien, on a besoin d'argent, c'est sûr. On aurait même besoin de temps en temps quelqu'un qui nous propose d'aller nous amener là-bas. On aurait besoin l'argent surtout parce qu'on faut qu'on achète de la nourriture. Des fois, on allait là-bas puis on arrêtait, mettons, à Maxi, on achetait de la nourriture. Quand on restait là, mettons, 4-5 jours, ben il faut cuisiner aussi, tu sais, il faut... Là, les gardiens de feu sont contents quand on leur fait des bons repas, tu sais. Des bons repas de maison, ils sont contents. Oui. Timishkumiten, Chanipiap. Kenin, Christian, moi aussi, je te remercie infiniment. Et je te souhaite une excellente soirée. Oui, toi aussi. Yamé. Yamé.